Bienvenue dans Pour une poignée de dés, podcast de live play de jeux de rôle dont voici le premier épisode, ou plutôt le teaser de la première campagne intitulée Le Conclave de Troyes. Cette campagne sera découpée en 4 épisodes qui seront enregistrés et diffusés sur Podcloud à l'adresse p1pdd.podcloud.fr et sur iTunes sous le nom Pour une poignée de dés. Le scénario est de Piouf, le background est en partie inspiré du Cassius Belli hors série numéro 19 de 1997 consacré à Enigma, les règles de jeu sont celles de World of Darkness édition 20e anniversaire. Les joueurs, Xotrop, Griffou et Swan du podcast Culture Breakdown ainsi que Ateraki incarnent des agents de l'agence Warden Blackmore. Cette courte introduction à la campagne va consister à vous donner quelques éléments sur l'employeur de nos joueurs. L'agence Warden Blackmore est une agence d'investigation privée spécialisée dans les phénomènes paranormaux fondée en 1998 par deux associés, Nathaniel Ward et Sir George Blackmore. Au cours de ses presque 25 années d'existence, elle a connu des triomphes et des revers, et a fini par s'assurer une réputation enviable dans le cercle restreint des passionnés d'occultisme, des riches paranoïaques et des partisans de la théorie du complot. Warden Blackmore emploie des personnes de tout horizon, véritable melting pot de talent, en majorité composé d'ex-policiers, détectives privés, agents d'enseignement, mais aussi de scientifiques et de médecins, d'historiens, et de quelques illuminés ayant soi-disant des aptitudes uniques et étranges, mais surtout de gros traumatismes. Tous ces employés ont subi une stricte sélection, une enquête personnelle très poussée, et sont soumis à des clauses d'exclusivité et de confidentialité de dizaines de pages. L'agence n'est pas dirigée par des altruistes, désireux de sauver le monde des griffes de supposées créatures monstrueuses. Sa finalité n'est pas non plus d'étudier les menaces surnaturelles ou de les cataloguer, car en réalité, ces agents se contentent le plus souvent de trouver des explications très cartésiennes et bien plus simples que la peu plausible intervention de petits hommes bonhommes verts. Elle capte par sa réputation la majorité des demandes liées à des phénomènes mystérieux, mais possède en fait une culture scientifique très forte. C'est une entreprise qui pratique des tarifs très élevés. Sa survie dépend de sa performance et de sa réputation. Ses agents sont très largement payés, mais ne sont pas encouragés à perdre leur temps lorsqu'ils sont en mission. Cette attitude engendre parfois des frictions, certains agents étant davantage motivés par la curiosité intellectuelle que par l'obligation de fournir des résultats. Les clients de l'agence sont extrêmement discrets. La plupart du temps, seuls Mr. Ward et Sir George Blackmore connaissent leur véritable identité. En effet, quoi de plus dérangeant pour un mania du pétrole ou pour un gouvernement que soit rendu public le fait d'avoir engagé une entreprise pour enquêter sur leur maison ou leurs locaux qu'ils pensent hanter. Ward et Blackmore opèrent dans le monde entier, souvent sous couverture, utilisant les multiples contacts et ressources de l'agence pour obtenir des autorisations, des passe-droits, voire de fausses identités pour mieux protéger l'agence et ses clients. La magie du système de Mr. Ward et Sir George Blackmore réside moins dans d'éventuels pouvoirs occultes que dans le fait que chaque client devient, une fois son affaire résolue, un nouveau maillon de l'influence de l'agence. Ward et Blackmore travaillent régulièrement avec les services de police et de renseignement du monde entier, plus quelques multinationales, une poignée de grandes universités et de loin en loin de rarissimes particuliers très fortunés. En revanche, l'agence refuse obstinément de travailler pour tous les groupes douteux, terroristes, criminels ou sectaires. Grâce aux appuis dont disposent les fondateurs de Warden Blackmore, les formalités administratives pour les agents sont réduites au minimum. Les visas pour la plupart des pays du monde sont obtenus rapidement. Des permis de port d'armes sont généralement accordés dans les pays de l'OTAN. Bien sûr, les agents sont censés rester discrets et ne pas enfreindre les lois du pays où ils travaillent. Warden Blackmore n'est pas un organisme officiel, et même s'il a les moyens de payer de bons avocats, il n'apprécie pas de devoir sortir ses employés de prison. Le personnel de l'agence est particulièrement choyé. Jane DeMay, la responsable des ressources humaines, a mis en place toute une série de mesures pour faciliter la vie des salariés et particulièrement celle des agents. Warden Blackmore prête un appartement de 50 mètres carrés pour les agents célibataires et 70 mètres carrés pour les couples à quelques minutes à pied de ses locaux. Cela permet qu'ils ne soient jamais très loin de leur lieu de travail. De plus, un concierge travaille à plein temps uniquement pour prendre en charge leurs petits soucis du quotidien. Quelques mots sur les fondateurs. Nathaniel Ward, surnommé White. Né en 1955 à Corpus Christi, Texas, de parents inconnus, Nathaniel Ward a grandi dans un orphelinat. Remarqué par son intelligence, il bénéficie d'une bourse d'État et étudie la physique au prestigieux MIT. De 80 à 88, Ward travaille pour la NASA. C'est alors qu'il décide de fonder l'agence avec Sir George Blackmore. Il partage principalement son temps entre les bureaux de New York et de Londres. Les agents n'ont pas encore eu l'occasion de le rencontrer. Pragmatique, très intelligent et vif, Ward est un bourreau de travail et ne supporte pas la contradiction. Pour lui, Warden Blackmore doit avant tout faire preuve de professionnalisme. La satisfaction du client passe avant tout. Ward est célibataire et n'a pas de famille connue. Il n'aime pas le public et souffre d'une paranoïa concernant son image, ce qui explique l'absence chronique de photos de lui. Le cofondateur est Sir George Blackmore, surnommé Black. Né en 1942 à Pilchoscree, Écosse, lord siégeant à la Chambre, Il est issu d'une riche et puissante famille écossaise à la réputation d'excentricité solidement établie depuis 10 générations. Lord Blackmore a parcouru le monde et multiplié les contacts avec les milieux de l'occulte et du paranormal. En 88, il fonde l'agence avec Ward. Souhaitant passer plus de temps en France, il prend la direction du bureau parisien lors de sa création en 90. Sir George Blackmore, fantaisiste et chaleureux, est souvent en conflit avec Ward sur des questions professionnelles. Pour lui, l'important est la quantité d'informations accumulées par l'agence. Il est marié et père de 4 enfants. Son fils Charles est directeur financier de Ward & Blackmore. Chaque demande de client est étudiée par une commission d'études composée des 2 fondateurs, du responsable local et du superviseur pressenti pour la mission. Mr. Ward et Sir George Blackmore gardent évidemment un droit de veto qu'ils n'utilisent que très rarement. Après étude, une mission avec un objectif précis est défini. Si les agents le remplissent, la mission est considérée comme accomplie et le client n'a plus qu'à passer à la caisse. Les problèmes éventuels, pouvant aller jusqu'au décès d'un agent, sont la responsabilité de Ward et Blackmore, pas du client. 70% des missions sont simplement des missions d'expertise ou de recherche. Identifier un phénomène ovni d'après photo, étudier un objet d'origine inconnue, etc. Ce type d'affaires mobilise généralement uniquement les documentalistes et scientifiques spécialisés de l'agence, voire un agent de terrain pour faire quelques relevés. Pour les autres missions, qui comportent une part de risque et d'action bien plus élevée, le prix n'est pas du tout le même et il est régulièrement réévalué, ainsi que les moyens engagés par l'agence au fur et à mesure de la mission, car dans ce genre de domaine, on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber. Les causes classiques à l'origine des missions traitées par l'agence ont été par exemple les disparitions inexpliquées, individus, bateaux, avions, etc., chute d'objets, plus d'animaux morts ou vivants, de matières diverses, zones où les lois de la physique semblent altérées, la gravité ou le déroulement du temps sont modifiés, pannes et accidents répétitions, disparitions ou apparitions, troubles du comportement des animaux ou de certains humains, phénomènes aériens, ovnis, lumière inexpliquée, traces au sol, écrasement de végétation, marques irrégulières pouvant former des textes, traces de chaleur, brûlures. Mutilation du bétail, animaux retrouvés mutilés avec une grande précision, vidés de leur sang ou privés de certains organes. Allégations de combustion spontanée, personnes retrouvées carbonisées dans un environnement parfaitement intact. Dans l'immense majorité des cas, l'agence trouve en fait une explication très cartésienne et scientifique à tous ces phénomènes, ce qui rassure les clients, même si ces derniers espéraient secrètement participer à la découverte de l'existence du paranormal. Pour une question d'éthique, officiellement, l'agence n'accepte jamais les missions suivantes. Élimination ou enlèvement d'un être humain, désinformation du public, mission dirigée contre les intérêts d'un pays démocratique, ce qui donne lieu à de vives discussions sur la nature du mot « démocratique » de certains organismes officiels occidentaux. Le bureau parisien de l'agence emploie environ 55 personnes réparties comme suit. Sir George Blackmore, 3 superviseurs, 10 agents d'investigation de terrain, 5 enquêteurs de bureau, 6 assistants de mission, 2 conseillers juridiques, 6 cadres administratifs, 5 documentalistes, une équipe informatique de 3 personnes, un médecin et une infirmière, un commercial, un comptable, 5 secrétaires, 3 gardiens, ainsi que quelques autres personnes décrites plus loin. Certaines rumeurs font référence à une petite équipe tactique d'intervention en cas d'extrême urgence. Toujours est-il que les agents de terrain sont munis d'une balise d'urgence, mais personne ne sait très bien, ne sait si elle est utilisée pour envoyer des renforts ou simplement pour aider à récupérer le corps des agents. En cas de problème avec les forces de l'ordre, ce qui est souvent le cas sur le terrain, l'agence fait appel à un des cabinets les plus réputés de Londres, Thorpe, Van Gordon et McKinnock. Les 2 conseillers juridiques à plein temps de l'agence en France s'occupent seulement de la préparation des missions, de la sensibilisation des agents et de limiter les dégâts avant l'intervention des avocats. Quand cela est possible, l'agence délègue certaines tâches à une société d'investigation externe, Harper & Lammer, détective. Cette grosse agence, installée dans la banlieue nord de Londres, travaille occasionnellement avec la branche française de Ward & Blackmore. Lorsque l'affaire est assez importante pour le justifier, les 20 détectives qui y travaillent font le boulot préparatoire, filature, surveillance, écoute téléphonique. Pas toujours légal, mais ils savent que Sir George les couvre. La plupart des agents de l'agence se méfient de ces cow-boys. Ils évitent autant que possible de travailler avec eux. De toute façon, c'est assez rare, les missions entreprises par l'agence se déroulent souvent à l'étranger. Harper & Lammer est dirigé par Will Harper. un colosse chauve dont le nez a été cassé de nombreuses reprises. C'est un ancien marin que Sir George a tiré de prison à l'époque où il travaillait à Scotland Yard. Quant à Monsieur Lamer, il n'existe tout simplement pas. Comme dit Harper, quand il y a deux blasts sur la porte, c'est plus classe. Sur la trentaine d'agents de Warden Blackmore à travers le monde, quatre sont des anciens de Harper & Lamer. Les locaux. L'agence Warden Blackmore occupe le 13e étage de la Tour Mir, qui se dresse au bord de la Seine à la Défense. L'immeuble est tout neuf et entièrement occupé par des bureaux. Sans être réellement secrète, l'agence est au moins très discrète. N'y en pas qui veut. Ses employés prennent l'ascenseur qui ne comporte pas du numéro 13 en utilisant un pass RFID personnel et un code commençant par 13 suivi d'une combinaison de 4 chiffres qui change tous les mois. Haute d'une trentaine d'étages, la Tour Mir est une véritable fourmilière. À l'exception des voisins immédiats, personne n'a jamais remarqué l'animation suspecte au 13e étage. Le 12e étage est occupé par les bureaux d'Aléa, un grand éditeur. Une centaine de personnes y travaillent et il y a toujours énormément d'allées et venues. Le 14e abrite la commission de planification du Grand Paris, un organisme public qui s'occupe de définir les grandes orientations prises par la ville en matière de transport en commun, d'adduction d'eau et autres domaines peu palpitants. Les personnes qui travaillent à ces deux étages savent que le 13e étage est occupé, mais ignorent par quoi. Les rumeurs vont d'une branche des services secrets à un bordel de luxe. En 15 ans, personne n'a jamais eu la curiosité d'aller vérifier. Après tout, c'est beaucoup plus amusant de spéculer. The Trop incarne l'agent Alison Stewart, Griffou incarne l'agent Mathieu Villard, Ateraki incarne l'agent Lucien Lancier et Swan incarne l'agent Tamara Eutrope. Nous sommes le 25 avril 2012 et tous sont convoqués à l'eau par leur superviseur Hakem Meloud. Mais ça, c'est pour le prochain épisode.